Et comme je vous disais, l'émission Nuisance bat son plein à 21h30 pour vous expliquer la vie aujourd'hui. Irradié par une parole immortelle. Et le rêve d'un arbre. Et on comprend toujours pas. Je dressant une fois ton corps dans son arbre. Il vendra les arbres repris respect pour les poètes comme pour les seuls qui puissent interrompre quelques instants l'angoisse humaine, étancher la soif, dispenser l'oubli. Et il la jugea trop facile, cette épreuve qui affrontait. Excité par le souffle de la foule, son esprit s'estima capable de créer des fictions gigantesques. Et l'œuvre qu'il nourrissait en lui-même, informe, fut un fier tressaillement de vie, tandis que ses yeux voyaient, dressés dans l'ombre des constellations, la tragédienne. La tradition. La tradition. La tradition. La muse à la fois divulgatrice qui semblait thank you. Ursule ruisselait sous les coups du bel archer païen dans le tableau de Carpaccio. Cette chaîne de meurtre est comme une fête. Les archers y portent les armes les plus choisies, les vêtements les plus ornés, avec les attitudes les plus élégantes. Les faibles aux cheveux d'or qui d'un si fier geste de grâce transperce de flèches le martyr, de son ressemble-t-il pas secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Comme de nombreux. Intégrer nos exploitations sur le métier choisi. Merci. Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance. Nuisance. fait aujourd'hui du naturalisme dans les idées. Conformément à la commune balourdise mécanique qui laisse la cause pousser et heurter jusqu'à ce qu'elle agisse. Il convient de ne se servir de la cause et de l'effet, effet, que comme concept pur, c'est-à-dire comme action conventionnelle, commode pour s'entendre, et non pas pour expliquer quelque chose. Dans l'en-soi, il n'y a point de lien causal. De nécessité absolue, de déterminisme psychologique, comme à son habitude de s'enculer soi-même en pensant à vous, notre amour. Enculons-nous les uns les autres par le fion, par le fion, oui, par le fion, par le fion, oui, par le fion. Et parlons fion ce soir dans Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est 22h07 et vous écoutez Nuisance par le fion. Vous encule. Bon, on vous enculera. Là, l'effet ne suit point la cause. Là, ne règne pas. psychologique. Là, I don't know. was saying a little bit earlier, it's all about the fucking you, of course. Fucking you is good, fucking you is so good, so good. Fucking you is so good, fuck you. Le groove, ça nous plaît. La musique, la grande musique, la belle musique, c'est pour nous. On aime ça. Justement, puisqu'on aime ça, on va s'en foutre. La musique, je l'encule. what's all about. It's fucked up. We're all gonna die. Fuck us. Fuck everybody. Fuck him. Fuck me. Fuck. That's what it's all about. C'est à ce propos que je vous parle. Plutôt de ce propos. Là. On va tous crever. Tant mieux. On va crever en enfer, comme on a vécu. Revécu. Et on va cramer pour toujours. Pour toujours. Dans les limbes. Alors fermons nos gueules pour en profiter de l'enfer. N'ouvrons pas nos grosses trappes de merde dorées au four comme des limaces fondues. Nos yeux, putain, nos propres yeux sont morts. Les vieux sont des cadavres, bouffons-les. Tuons les riches. Tuons les riches. Et bouffons-les. Parce qu'on a faim. On a faim de leur force. La force d'être riche. La force d'être beau, d'être connu par tout le monde. Avec le fric qu'on a, on se fait connaître par tout le monde. On est beau, on est fort, comme ça on les bouffe, ces riches de merde, et on les encule avant de les bouffer. On encule leur tronc. Qu'on aura vidé au préalable, avec du fil de fer, rouillé. Ainsi va la mort. À la fin, elle ne finit pas de se dorer les miches au soleil, tout simplement, au soleil. Vive la mort, vive les morgues, vive les oraisons funèbres, sinon funestes. On va tous crever. Sans jamais s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut être con? Qu'est-ce qu'on peut être con? Oui, nous. On est con. Tant mieux qu'on soit con. Comme ça, on va crever. Dans notre merde. Pas d'espoir, y en a jamais eu, y en aura jamais, jamais toujours, je. Yo, this is full of shit. How can we eat this shit? We cannot eat this shit. We must not eat it. We must drink it. Blend the motherfucker. Blend. Blend the motherfucker, I say. Let's drink our shit. Our shit. Yeah. Tastes good. Tastes like money. Good old fashioned fucking money. Yeah. Let's drink it. Drink it down, gullips. Gulps. Gulps the damn thing. There's no discussion about this. Just eat your shit, motherfuckers. It's the only way. It's the only way out. You're always going to die. Do you hear me? Otherwise, you're always going to die. React, goddammit. Wake up. You got so little time left already. You might not manage to go to hell after all. But I will. I'll go to hell for you. Because I'm a goddamn messiah. I'm gonna go to hell for you tonight. Let's all fucking fuck each other in the asses tonight. God damn it. You're already dead to me. You've never been nothing for me. Fuck you. I hope you rot alive. J'espère que vous pourrirez vivant. Comme la merde que je suis. Papa, maman, je vous encule. Nuisance Canal Sud sur et Toulouse France. Je reste pas grand chose à dire. Vous pouvez nous écouter sur canalsud.net. Nuisance, bien sûr, vous encule. Ça, on le savait déjà. Que dire de moi? Rien, on s'en fout. Et vous, ben. Ouais. J'ai pas grand chose à dire sur vous. Je vous encule aussi. Voilà. Ouais. Ça donne pas envie de baiser, je sais, mais pourtant, sodomie, anal, t'as vu, enculé, tout ça, ouais, c'est cool. Voilà, donc je me suis dit, ce soir, on va faire un truc sur le néant, tu vois. Voilà, c'est parti. Ça va être marrant. On va bien se marrer, on va bien se marrer, ouais. Qu'est-ce qu'on va rigoler, alors? Ah merde. C'était bien. C'était bien le néant. Allez, c'est reparti. Le non-néant. et tu te laisses percevoir ton souffle. Ton souffle qui va et qui vient là dans ton corps, à son rythme, tandis que tu sens qu'à chaque inspiration, le calme rentre à l'intérieur de toi. Pendant que chaque expiration, tu sens que tu rentres davantage encore à l'intérieur de toi. En sentant que tu peux t'ouvrir encore et encore à la détente. Et tu laisses la paix et la tranquillité se développer maintenant en toi. Et tu sens que ton corps est relâché. Détendu. Autant qu'il l'être à cet instant. Et si des tensions existent là, il te suffit de porter maintenant ton attention sur ces points et les tensions vont se dissoudre. Simplement, parce que tu portes ton attention à cet endroit, et tu peux te remercier de te donner maintenant ce temps pour toi. De la présence.

Thank you. Thank you.

Voilà, c'était donc Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Nous sommes le 17 mai 2013. Il est 23h16. Je dois m'excuser pour toutes les conneries que j'ai dites et aussi. Bon, voilà quoi. C'est compliqué.